C'est une habitude de la patience, un regard vacant. Écrire tout de même, tu es vide de mots. Étranglement et sourire du ciel bleu et des jeunes filles. Il faut recommencer, ma fierté, être seul. Il faut savoir rester assis, regarder devant une identité quelconque, ne rien voir. À cet instant-là, la nudité est une chose oubliée. S'il faut en venir au silence, peuplez-moi. C'est après toi des sentiers que je regarde, la bêtise de croire au lendemain. Bonne nuit. Soyez sages.